Lettre 88e, Théophanie à Junia Marcella, Nicomédie, octobre 303. 5 mois viennent de s'écouler dans une félicité parfaite, et telle que peu de mortels l'ont éprouvée. J'en ai joui avec délice, sans interruption. Je n'ose me plaindre, si elle s'altère en partie, et si j'aperçois des nuages obscurcir l'horizon et rendre peut-être l'été de ma vie semblable à son printemps. Mon beau-père vient de mourir. Ce fut la première atteinte à notre bonheur. Il avait accordé à mon époux le plus entier pardon, et il lui témoigna la plus touchante tendresse dans ses derniers moments. Il a cassé son premier testament, et n'a privé son fils que d'une partie de ses richesses en faveur d'un parent pauvre et malheureux. Agathoclès le soutenait depuis longtemps de tous ses moyens, sans que jamais le Sippus ait pu découvrir le nom de son bienfaiteur. Et Gésippus a donc réuni sa volonté aux vœux de son fils, heureux de partager son bien-être avec un cousin qu'il regarde comme un frère. Mais est-ce les biens de la terre qui font le bonheur? Ah, comme j'étais bien plus heureuse à Saint-Iom que dans ce palais somptueux. Cependant, mes inquiétudes ont déjà commencé dans notre villa. Depuis quelque temps, l'humeur d'Agathoclès devenait sombre et sérieuse. Constantin était souvent chez nous. Il s'entretenait des objets les plus intéressants. J'admirais la grandeur de leurs projets et leur volonté prononcée pour le bien. Mais mon cœur tremblait en secret du trouble et des dangers que ces plans entraînaient nécessairement après eux. Je frémissais que la chaîne des événements et l'activité naturelle de l'esprit d'Agathoclès ne vinssent détruire notre félicité. Je ne pouvais voir autre chose dans ces grands plans, et lorsqu'ils en parlaient ensemble, il me semblait entendre le chant du cygne. Je cache avec soin mes tristes pressentiments, mais nos cœurs correspondant trop bien pour que chaque pensée, chaque sentiment ne nous soit pas commun, il me devina bientôt et blâma avec douceur des craintes qui partaient, me dit-il, d'un principe d'égoïsme qui me faisait préférer mon bien-être et ma tranquillité au bonheur de l'humanité. Il me fit sentir qu'avant d'être épouse, j'étais citoyenne de Rome et chrétienne. Je reconnus la vérité de tous ses arguments, mais je ne pus m'empêcher de trembler encore à l'idée d'un avenir orageux. Enfin, il fut décidé qu'Agathoclès partirait pour l'Europe, et qu'il irait même jusqu'en Bretagne. Il m'annonça son voyage tout en cherchant à me consoler par sa tendresse. Je l'assurai que je ne pouvais supporter l'idée de me séparer encore de lui, et je lui dis que je l'accompagnerais jusqu'aux colonnes d'Hercule, qu'aucune privation, aucune fatigue ne me serait aussi cruelle que d'exister loin de lui, au milieu de toutes les commodités de la vie auxquelles sa présence seule mettait du prix à mes yeux. Il céda enfin à mes instances après m'avoir représenté tout ce que j'aurais à souffrir dans ce pénible voyage. Je me jetai dans ses bras en fondant en larmes. Je lui dis que la seule souffrance insupportable pour moi était d'être séparé de lui, et que j'étais convaincu que cet effort, s'il l'exigeait, me coûterait la vie. Il me serra sur son cœur, et m'avoua que son plus ardent désir était de m'emmener avec lui, qu'il n'avait cédé qu'à des inquiétudes pour ma santé, dans un moment où ma grossesse me rendrait encore un voyage plus pénible, qu'il avait cru de son devoir de ne rien me cacher de ce qui m'attendait en l'accompagnant, mais que, puisque je l'assurais que je courrais plus de dangers encore en restant seul, il préférait ceux que sa tendresse et ses soins pouvaient adoucir. Oh Junia, quels maux, quelles incommodités ne pourrais-je pas surmonter pour le voir, pour vivre sans cesse auprès de lui, veiller aussi à sa sûreté et, s'il court des dangers, les partager avec lui. Notre voyage était donc arrêté, et le jour du départ était même fixé. Lorsqu'un événement auquel nous étions préparés sans le croire aussi prochain vint nous retarder. La reine d'Arménie, cette bonne et trop sensible Sulpicie, que je n'ai connue que pour la pleurer, est morte à Ecbatane, il y a environ 2 mois. Je l'ai pleurée sincèrement. Mais quand je me représente combien elle était peu heureuse, quoiqu'ayant atteint le but de ses désirs, je ne puis la regretter pour elle-même. Elle s'est consumée dans ses propres flammes. Jamais ici-bas, elle n'aurait trouvé le cœur qu'il fallait au sien, et bien certainement ce n'était pas celui du léger Tiridate. D'abord, après que sa femme fut expirée, il quitta l'Arménie et vint ici pour se distraire de son chagrin. Très violent au premier moment, dit-on, mais qui n'eut que la durée de l'éclair, et jamais homme n'a réussi plus promptement à se distraire et à se consoler. La belle Calpurnie, amie intime de son épouse, fut naturellement la première personne qu'il vit en arrivant ici. Elle pleura avec lui, elle écouta ses plaintes. Leur attachement pour celle qu'ils avaient perdue réunit leurs âmes. Est-ce leur faute si ce lien est devenu plus fort que la douleur, et l'a remplacée enfin par l'amour. Je dois convenir que la nature, au moral comme au physique, semble les avoir créés l'un pour l'autre. Si Calpurnie est la plus belle des femmes, Tiridate est sans contredit le plus bel homme que j'ai vu de ma vie. Ses manières, son costume magnifique, contribuent aussi à relever sa superbe figure et à lui donner une dignité vraiment royale. Il est impossible de ne pas l'admirer. Cependant, je crois que si j'étais encore dans toute la fleur de la jeunesse, avec le cœur libre, et que j'eusse à choisir entre Agathoclès et Tiridate, la figure intéressante du premier, sa douce pâleur, ce regard un peu sombre, mais où l'on voit la profondeur de son génie, m'aurait plu davantage que les formes colossales, le regard ardent et les vives couleurs du roi d'Arménie. Cette expression de gaieté et de désir de jouir de la vie m'aurait bien moins séduite que la douce tristesse d'Agathoclès. Calpurnie a pris le parti de les aimer tous les deux, mais je ne puis comprendre que deux hommes aussi différents l'un de l'autre sous tous les rapports aient pu se succéder si promptement dans son cœur et y exciter des sentiments aussi vifs. Mais qui peut approfondir le cœur humain et rendre en raison de ses contradictions et de ses inconséquences? Il n'y a rien à dire là-dessus. On ne peut pas blâmer quelqu'un parce que nous ne comprenons pas sa manière d'agir. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que Calpurnie me sait fort bon gré à présent d'avoir épousé Agathoclès, et qu'elle est très flattée d'être l'objet du choix du beau Tiridate et de devenir reine d'Arménie. Dès la première visite qu'ils nous firent ensemble, il me parut très vraisemblable qu'elle le consolerait de sa perte, et que, de son côté, l'amour du roi la dédommagerait de l'amitié de Sulpice. Je communiquai mes remarques à Agathoclès. Il n'avait rien observé. Les hommes ne voient jamais aussi vite et aussi bien que nous les choses de ce genre. La nature nous a donné un tact parfait pour tout ce qui regarde l'amour. Nous le découvrons bien plus tôt qu'eux et chez nous et chez les autres. De tout autre homme qu'Agathoclès, je croirais que sa vanité s'est refusée à croire qu'il peut être aussi vite remplacé. Mais il n'en a point sur lui-même et il ne croit pas du tout que Calpurnie l'ait aimé. Dès leur troisième visite, il ne me resta plus de doute. Tiridate parla son ami de notre bonheur, de nos espérances de paternité avec tant de feu et d'exaltation. Il nous répéta si souvent que son peuple lui demandait à grands cris un successeur, des devoirs d'un souverain qui doit dompter sa douleur et faire taire ses regrets quand le bien de ses sujets l'ordonne, qu'il nous fut aisé de comprendre où il voulait en venir. Et depuis quelque temps, Calpurnie est traité par Auguste, par l'impératrice et par la femme de César avec une attention toute particulière. Bientôt se répandit la nouvelle que Dioclétien voulait célébrer la 20e année de son règne et la victoire sur les Perses par un triomphe solennel à Rome, où il n'a point été, je crois, depuis qu'il est empereur. On fait de grands et magnifiques préparatifs, le César d'Occident est invité à s'y rendre aussi, et Tiridate a trouvé nécessaire de déclarer publiquement son intention d'épouser Calpurnie avant le départ de la cour. C'est du moins le prétexte qu'il a pris pour excuser la promptitude de son second mariage. Il a demandé formellement au proconsul la main de sa fille. Celui-ci donna son consentement si vite qu'il fut aisé de voir que tout était déjà arrangé entre eux. Tiridate vint ensuite le communiquer à mon mari et le prier de différer son voyage en faveur d'un événement aussi intéressant. Tout en applaudissant à son choix, Agathoclès parut surpris d'une aussi grande précipitation. Le roi s'excusa d'un ton léger sur le désir de son peuple, sur le prochain départ de Dioclétien, et finit par lui dire qu'il croyait ne pouvoir mieux honorer la mémoire de Sulpice qu'en donnant sa place à l'ami qu'elle avait si tendrement aimé. Agathoclès sourit en pensant que si cette amie avait été moins belle, Tiridate n'aurait sûrement pas eu l'idée de rendre cet hommage à Sulpice. Il témoigna ensuite à son ami l'intérêt qu'il prenait à son bonheur et à celui de la future reine d'Arménie, et consentit à rester quelque temps pour en être le témoin. Je ne vois pas sans inquiétude le bruit, les plaisirs, les fêtes somptueuses que ce mariage occasionnera. Ma douce tranquillité sera bien troublée. Une nouvelle époque de ma vie va commencer, car mes circonstances m'ont toujours éloigné du grand monde et fait vivre dans la retraite. Mais Agathoclès désire que je paraisse aux noces de son ami. Calpurnie me le demande comme une preuve d'amitié, et je me soumets à leur volonté, mais non sans chagrin. Junia, je te le répète. Le temps de mon paisible bonheur est passé. Adieu, porte-toi bien, aime toujours ta Théophanie.